Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions diffusées en février 2019 en compagnie du théâtre de Tchekhov. Sur quel thème faire un peu de... un peu de philosophie. Sur quel thème? Eh bien, cette semaine, sur le théâtre de Tchekhov. Tchekhov qui est au sommet de sa gloire quand il écrit en 1900 « Les Trois Sœurs ». Il vient d'être élu à la section Belles Lettres de l'Académie des Sciences et fort du succès de La Mouette et Donc le Vania, le dramaturge reçoit la commande d'une nouvelle pièce pour le théâtre de Moscou. La première a lieu en 1901 et dans le rôle de Masha, le public peut admirer Olga Knipper, que Tchekhov épousera un an plus tard. L'accueil est d'abord mitigé, puis très enthousiaste devant cet extraordinaire tableau du quotidien des trois sœurs et de leurs frères qui, au début de la pièce, sont réunis pour le premier anniversaire de la mort de leur père et décident de partir à Moscou. Отец умер ровно год назад. Как раз вот в этот день, 5 мая, в твои именины, Ирина, было очень холодно. Вот тогда шел снег. И мне казалось, что я не переживу. А ты лежала в обмороке, как мертвая. Il y a juste un an aujourd'hui que notre père est mort. Un an, exactement, le 5 mai. Le jour de ta fête, Irina. Il faisait froid. Il neigeait. Il me semblait que je ne survivrais pas. Toi, tu étais étendue comme morte, évanouie. Et voilà. Un an a passé, et c'est d'un cœur léger que nous nous en souvenons. Te voilà déjà en robe blanche. Ton visage est radieux. Tiens, ce jour-là aussi, l'horloge sonnait. Je me souviens, on emportait son corps, la musique jouait. Au cimetière, on tirait des salles. Voici 11 ans, père recevait le commandement de sa brigade et quittait Moscou avec nous. Et je me souviens parfaitement qu'à cette époque, au début de mai, à Moscou, tout est fleuri. Il fait doux et il y a plein de soleil. Mon Dieu, 11 ans ont passé et je me souviens de tout comme si c'était hier. En me réveillant ce matin, j'ai vu toute cette lumière. J'ai reconnu le printemps, la joie a rempli mon cœur. Et j'ai éprouvé un désir passionné de retourner dans ma ville natale. Cours toujours, évidemment, des bêtises. Voyons, Masha, cesse de siffler, comment peux-tu? À force de passer mes journées au collège et de donner en plus des leçons jusqu'au soir après les classes, j'ai constamment mal à la tête et mes pensées sont celles d'une vieille fille. Oui, en vérité, depuis ces 4 années que je travaille à l'école, je sens comme chaque jour, goutte à goutte, s'en vont mes forces et ma jeunesse. Et seul mon rêve grandit et se précise. Partir pour Moscou, vendre la maison, en finir avec tout cela et... À Moscou, oui, à Moscou, au plus vite. Bonjour Georges Banu. Bonjour. Quelle étrange pièce qui commence par un rêve et un souhait de départ. Ce que veulent les personnages, c'est partir, aller à Moscou en l'occurrence. Bah, c'est une pièce qui commence d'abord par le souvenir d'un deuil. Le souvenir du deuil du père, dont les filles, les trois sœurs, ont une image absolument magnifiée, mais quand on regarde la pièce plus attentivement, parce que c'est ça le génie de Tchekhov, c'est de donner des informations contradictoires, on apprend qu'à l'enterrement du père, il y avait très peu de personnes qui étaient un personnage tout à fait dévalué, dévalorisé, pas respecté, et qu'aujourd'hui, un an plus tard, le jour de la fête, le deuil s'achève. Donc je crois que ce qui est assez intéressant et magnifique chez Tchekhov, c'est qu'il y a un permanent va-et-vient entre le réel et le symbolique. Le réel, la mort du père, il y a un an, il faisait mauvais, et de l'autre côté, le symbolique, la fête d'Irina, qui en même temps, qui accède à l'âge adulte. Donc c'est un retournement de situation, et tout le temps, Tchekhov va jouer dans ses pièces sur cette absence d'une vérité unique. Ce qu'un personnage désire, l'autre le refute. Ce qu'un personnage éprouve, l'autre le conteste. Et justement, cette idée du retour à Moscou, c'est une idée très importante, c'est presque essentielle pour la pièce. Les personnages En même temps, il ne faut pas oublier qu'ils sont arrivés dans cette ville depuis longtemps et que, vous savez très bien, ça m'amuse toujours parce que ma femme a une maison en Corrèze, donc je suis à l'habitude de la Corrèze. Le mot limogé vient d'un général qui a été limogé à Limoges, donc le père des sœurs, c'est un peu un nul qui a été limogé à Limoges. Comme tous les pères de la génération de personnages de Tchekhov, hein, c'est ce que André Markovitch disait lundi. Une partie des pères, et les femmes se sont libérées maintenant. Cette idée, c'est que une nouvelle ère commence. Et cette nouvelle ère commence, c'est une nouvelle qui commence, et en quelque sorte animée par l'espoir de retrouver Moscou. J'étais récemment dans un débat, comme ça un peu à Genève, et quelqu'un m'a dit, mais pourquoi ne rentre-t-elle pas à Moscou, elle pourrait prendre le train. Je trouve que c'est l'incompréhension la plus totale de la pièce de Tchekhov. Parce que ces personnages qui sont, c'est les filles, il faut rappeler qu'il y a un troisième, un autre personnage, un frère. Pour elle, Moscou, c'est pas la ville, c'est l'enfance. C'est l'ailleurs, c'est un paradis perdu. Dans une très belle mise en scène que j'avais vue à l'étranger, à Bucarest en l'occurrence, quand elle parle de Moscou, elle reconstitue cette image dans le spectacle. On voit des gamines toutes petites, comme étaient les trois sœurs, qui dansent une valse effrénée avec les soldats, avec les Verchinin, tout ça. Donc, Moscou, c'est une construction mentale. C'est pas seulement la ville. Ce qui importe, c'est que, pour le spectateur, de savoir que ces filles-là, cette famille-là, est en province. En fait, c'est toujours des personnes qui vivent en province que dépeint Tchekhov. Ces filles-là sont en province. Et je crois qu'en me préparant un peu pour venir vous voir, j'ai retrouvé quelque chose qui est assez extraordinaire chez Tchekhov. Comment il alterne la précision géographique avec l'imprécision. Rien n'indique où est la ville où se trouvent les trois sœurs. On sait qu'elles viennent de Moscou. Et on sait à la fin, chose très importante, que les officiers partent comme une armée d'occupation en Pologne. Entre les deux, ce No Man's Land, qui est la ville dont les personnages, les trois sœurs réunies, veulent s'éloigner, car elles éprouvent cette ville comme une sorte de marécage existentiel, comme un piège pour que la vie passe inexorablement grise et dépourvue de tout attrait. Mais où est la ville que veulent quitter les sœurs? La même question se pose pour la cerisée. Oui, exactement. Où est la cerisée? On en parlera demain. Ouais. Où est la cerisée? Alors, Tchekhov a beaucoup écrit en dehors de ses pièces. Il a écrit beaucoup de nouvelles qui sont moins connues et qui sont tout aussi magnifiques. Et une correspondance énorme qui fait en russe, je crois, près de 30 volumes. Et dans cette correspondance, lorsqu'il parle des trois sœurs, il écrit ceci. Il dit « Ça a été terriblement difficile d'écrire les trois sœurs. En effet, trois héroïnes chacune doit être un spécimen en soi. Toutes les trois sont filles de général. L'action se passe dans une ville de province, genre Perm. Le milieu, ce sont les militaires et l'artillerie. » Et enfin, il rajoute « Les trois sœurs sont prêtes désormais, mais leur avenir, du moins le plus proche, demeure pour moi sous le voile de l'incertitude. Finalement, la pièce est ennuyeuse, elle traîne en longueur, elle est mal commode. Je dis mal commode car on y trouve par exemple quatre héroïnes et une humeur, à ce qu'on dit, tout ce qu'il y a de plus sinistre. Il est extrêmement dur envers sa propre pièce et pourtant c'est pas complètement faux. Non pas au sens péjoratif du terme, mais il y a une humeur très particulière aux trois sœurs, Georges Bagnu. Vous l'aimez particulièrement cette pièce? Moi je préfère la cerisée, mais entre les deux mon cœur balance là, parce que les trois sœurs, moi je viens d'une ville de province, et on rêvait tous, moi j'étais pas chassé, je suis d'origine roumaine, j'étais pas chassé de Bucarest, mais le rêve d'un autre espace qui est un espace sauveur existe, et peut-être une des émotions les plus extraordinaires que j'ai ressenties ces derniers temps, j'étais à Cuba, à La Havane, avec des amis artistes, et quand on est sorti, après une soirée qui n'était pas particulièrement arrosée... Ça ne nous regarde pas. Nous, parfois, on a des élans lyriques sous l'influence de l'alcool, mais on est sorti et un de ses amis a dit « Tiens, voilà, la nouvelle lune. » Et je dis « Il y a la superstition de faire un vœu. » quand on voit la nouvelle lune. Et les deux amis ont dit absolument en même temps la France. Écoutez, j'ai même maintenant les larmes aux yeux parce que pour eux, la France, c'était Moscou. Ils avaient fait leurs études ici. Ils étaient semi-enfermés dans l'îlot cubain. Et quand il s'agissait de faire un vœu, comme les trois sœurs, on dit tous les deux, en même temps, sans la moindre hésitation, la France. Donc, les filles vivent avec ce rêve de retrouver un lieu où elles n'ont pas été forcément très heureuses. Mais Moscou, c'est une construction mentale, mais une construction mentale dont elles ont fait l'expérience. Vous savez, il y a, en philosophie, il y a plusieurs distinctions sur le terme, à partir du terme de l'utopie, et Moscou, pour elles, c'est ce qu'on appelle une utopie rétroactive. C'est-à-dire, c'est un espace utopique, mais qui se trouve derrière nous, qui n'est pas projeté dans l'avenir. Et je crois que analyser la pièce dans la perspective de l'utopie rétroactive, c'est très juste, parce que Moscou n'existe pas. Mmh. On ne peut pas prendre le train pour aller à Moscou. Moscou, c'est une construction du bonheur perdu, d'un espace d'où on a été chassé, d'un paradis définitivement clos. On va faire connaissance avec ces trois sœurs. D'abord, voici Irina et son discours, sa dissertation sur les vertus du travail. Écoutez-la. À peine réveillée, je suis sortie du lit, j'ai fait ma toilette. On aurait dit que subitement, tout était clair pour moi en ce monde et que je savais comment il faut vivre. Mon bon Ivan Romanitch, je comprends tout. L'homme doit travailler. Il doit peiner à la sueur de son front, oui, quel qu'il soit. Et là seulement est le sens, le but de sa vie. Là est son bonheur, sa plénitude. Comme il est bon d'être l'ouvrier, levé au petit jour, qui casse les pierres sur les routes, ou le berger, ou le maître d'école qui instruit les enfants, ou le mécanicien sur sa locomotive. Oh, mon Dieu, il vaudrait mieux être, je ne dis pas un être humain, mais un bœuf. Il vaudrait mieux être un simple cheval plutôt qu'une de ces jeunes femmes qui se lèvent à midi, prennent leur café dans leur lit et mettent 2 heures à s'habiller. Cela est affreux. Tout comme on a envie de boire par un jour de grande chaleur, moi j'ai envie de travailler. Et si désormais je ne me lève pas de bon matin pour me mettre à l'ouvrage, alors retirez-moi votre amitié, Ivan Romanitch. Je vous la retirerai. Père nous a donné l'habitude de nous lever à 7 heures. À présent, Irina se réveille bien à 7 heures, mais elle reste au lit jusqu'à 9. Au moins, à réfléchir, et elle a un air si sérieux. Tu veux toujours me considérer comme une petite fille. Et ça te semble étrange que j'ai l'air sérieux, j'ai 20 ans. Les extraits que vous entendrez aujourd'hui sont issus de la représentation, la mise en scène de Jean-Paul Roussillon à la Comédie Française en 1979. C'est Claude Mathieu dans le rôle d'Irina, c'était Catherine Ferrand dans le rôle d'Olga. Alors, contradiction, vous le disiez, hein, chez Tchekhov, on a toujours une vérité et celle d'en face. En fait, là, c'est Irina qui fait l'apologie du travail, mais alors elle y va sans nuance, hein, sans restriction. Elle dit qu'il vaut mieux être un bœuf ou un cheval qu'un être humain, parce qu'au moins, eux ne passent leur vie à travailler. Et sa sœur ensuite reprend la parole en disant « Oui, d'accord, mais enfin, elle se lève à 7 heures, mais elle ne se lève qu'à 9 heures. » On a ici le décalage entre l'utopie dont vous parliez et la réalité quotidienne qui est bien moins brillante. Georges Bannou. Mais je crois que la nouveauté de l'écriture tchékovienne, c'est que c'est une écriture qui n'est pas univoque, qui n'est pas non plus binaire, noir et blanc, mais c'est une écriture fondée sur les contradictions. Quelques lignes avant, quelques mois avant, Olga dit qu'elle sent que sa vie passe péniblement à cause du travail. Donc, Olga fait le constat de l'échec. Elle est institutrice. Elle est institutrice. Elle s'ennuie. Oui, elle n'est pas très exaltée. Elle n'est pas très exaltée. Il va prendre la direction de l'école, même. Et Irina s'engage dans un discours très rassurant pour l'époque, pour le travail. Mais 3 actes plus tard, elle va nous raconter qu'elle travaille à la poste. Elle va nous raconter qu'une vieille dame est venue pour envoyer un télégramme pour un décès, qu'elle l'a renvoyé promener, qu'elle est épuisée. Donc, Tchekhov avance des professions de foi que la vie contrarie. Et je crois que la pièce est fondée constamment là-dessus. Les filles ont construit pour leurs frères un avenir universitaire, mais la vie va contrarier complètement cet avenir universitaire. Andrei ne finira comme un mari cocu, fonctionnaire de l'administration locale. Donc, le discours sur le travail, c'est un discours rhétorique, et je crois que Tchekhov, qui était particulièrement pudique, inscrit dans tous ses textes, une sorte d'ironie, de distance à l'égard des discours très, très emportés, très enflammés, comme le discours de Pétia dans La Cerisée, ou comme le discours d'Irina, ou comme plus tard le discours du colonel Verchinin qui parle de l'avenir. Plus tard, dans Les Trois Sœurs, oui. Dans Les Trois Sœurs. Je crois que Tchekhov, d'une certaine manière, c'est ce à quoi il nous convie, c'est à ce double besoin dont on éprouve l'attrait, c'est d'un côté la projection vers un avenir et de l'autre côté la confrontation avec le réel qui est le plus sombre des nids. Chez Tchekhov, les personnages oscillent entre le travail, voire la suractivité, au moins dans le discours, si ce n'est dans les faits, et une forme de, on parle de mélancolie, mais parfois de lassitude ou d'angoisse, comme si finalement le travail était le meilleur remède à la mélancolie et que ces personnages oscillaient sans arrêt entre ces deux extrêmes. Ce que vous dites me rappelle une phrase que j'ai beaucoup aimée, que j'ai lue il y a très longtemps, de Jean Kelevitch, qui disait « Le travail est une très très bonne thérapie contre la sécheresse de l'âme ». Donc, c'est un divertissement au sens pascalien. Hein. Plus on travaille, moins on pense à l'absence de sens de notre mais existence. En même temps, c'est un travail qui reste principalement au niveau du discours. Parce que même Olga dit d'Irina qu'elle se lève très tôt et qu'elle traîne au lit. Donc, elle a un comportement de personne aisée qui entretient, comme une Madame Bovary, le fantasme du travail, qui sera ensuite absolument contrarié par la dure réalité de la rencontre avec la vie. Peut-être celui qui travaille vraiment, c'est le personnage le plus ridicule et le plus douloureux, je crois, de la pièce, c'est Kulagin, qui est le mari de la sœur qui se trouve entre les deux âges, ni l'aînée ni la cadette, Masha. Kulagin est prof, mais un prof un peu idiot, trompé par sa femme, mais qui est en même temps une chose très belle chez Tchekhov, qui est un homme trompé, mais qui finalement s'accommode de ce mariage un peu boiteux, comme d'ailleurs Tchekhov, parce que Olga Knipper n'était pas l'incarnation de la fidélité. Et peut-être que Tchekhov a eu ce sentiment que le mariage est fait pour nous confronter à des difficultés. Que fait-on lorsqu'il n'y a pas de thé, Georges Banu? Si vous voulez boire du thé, qu'il n'y en a pas, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas du thé? Bon, je demande du café, là. Eh bien, les personnages de Tchekhov, vous vous souvenez ce qu'ils font dans Les Trois Sœurs? Ils philosophent. Ma foi, s'il n'y a pas de thé, philosophons. Ah, très bien. À quel sujet? Quel sujet? Mon oiseau blanc. Rêvons un peu, par exemple, à la vie qu'il y aura après nous. À 200 ou 300 ans d'ici. Après nous? Les vestons changeront de coupe. On volera en montgolfière. On découvrira peut-être un sixième sens. Mais la vie restera semblable, pleine de mystères et heureuse. Et dans 1000 ans, les hommes gémiront de la même façon, hein, que la vie est dure. Et en même temps, exactement comme aujourd'hui, ils auront peur de la mort. Et ils voudront pas mourir. Comment dire? J'ai l'impression que tout sur Terre est destiné à changer, petit à petit. Et que tout change déjà sous nos yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je ris, je sais pas pourquoi. Depuis ce matin, je ris. Mmh. Sans parler de 200 ou 300 ans. Même dans 1 million d'années, la vie, elle restera ce qu'elle a toujours été. Elle est immuable, elle ne change pas. Elle suit ses propres lois qui ne vous concernent pas ou que vous connaîtrez jamais. Les oiseaux migrateurs, par exemple, ils volent. Quelles que soient les pensées nobles ou pas qui leur passent par la tête, continueront de voler sans savoir ni pourquoi ni vers quoi. Ils volent. Ils voleront toujours. Et quels que soient les philosophes qui surgissent parmi eux, ils continueront de voler. Mais quand même, le sens. Le sens ? Oui, enfin, il neige, où est le sens ? Ces personnages qui s'interrogent sur le sens de la vie devant un feu de bois sont ceux des trois sœurs de Tchekhov. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous sommes au cœur d'une série d'émissions sur le théâtre de Tchekhov. Aujourd'hui, en compagnie de Georges Banu, vous venez d'entendre un extrait de l'adaptation cinématographique des trois sœurs par Valeria Bruni-Tedeschi, diffusée sur Arte en 2015, avec Laurent Stocker dans le rôle de Tuzenbach, Michel Vuermoz qui joue Verchinine et Elsa Le Poivre qui joue Macha. Ici, Georges Banu, en fait, philosopher, c'est aussi passer le temps. C'est la même chose. En fait, philosopher signifie rêver. Et c'est une manière de passer le temps comme de travailler. Dans l'acte 2, là où on se trouve, on est un an après le début. Et en fait, il n'y a aucune différence. C'est vraiment une pièce où le temps passe, mais de minute après minute, de manière quasiment matérielle. C'est très troublant. Oui et non. Rien ne change, c'est pour ça qu'ils veulent changer. Oui et non, c'est-à-dire qu'au deuxième acte, c'est peut-être pour moi l'acte qui conduit vers la catastrophe du troisième acte quand l'incendie va s'emparer de la ville. Le deuxième acte, c'est l'acte où tous les personnages attendent la fête. Il s'agit d'une grande fête qui sera reportée par Natacha, qui est une sorte de personnage horrible qui prend le pouvoir dans la maison. C'est la femme d'André, le frère, et qu'au fond, la philosophie, c'est on philosophe faute de mieux. C'est ça, par défaut. Par défaut, et bien entendu, la phrase « où est le, il neige, où est le sens ?», c'est tout le monde dans les commentaires de Tchekhov, tout ça, parce qu'il est considéré aujourd'hui d'un côté comme le double de Shakespeare, mais de l'autre côté, il est considéré comme le précurseur du théâtre de l'absurde. La phrase « Où est le sens ? Il neige, où est le sens ?» c'est une phrase qui peut venir directement d'une pièce de Beckett. Parce qu'au fond, ce dont il parle, c'est du faux sens de l'attente, comme dans Godot, dans 1000 ans, dans 1 million d'années, il y aura quelque chose qui va se passer. Les choses vont pas changer, mais il neige. Où est le sens? C'est la capacité extraordinaire de Tchekhov de construire des situations paraboliques avec les éléments du concret. Il neige. Où est le sens? Comment interpréter quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse l'histoire, qui dépasse la société. Et je pense que Tchekhov invite tout le temps à la confrontation ultime avec l'énigme de la nature, l'énigme de la vie, l'énigme justement, de cette utopie rétrospective qu'est Moscou. C'est ce que dit l'un des personnages féminins, hein, c'est Irina, qui dit « Le temps passera, nous partirons pour l'éternité, on oubliera nos visages, nos voix, combien même nous étions, mais nos souffrances se transformeront en joie. Pour ceux qui vivront après nous, le bonheur et la paix s'installeront sur la terre, et ceux qui nous remplaceront parleront de nous avec bonté et béniront ceux qui vivent à présent. Bientôt, nous saurons pourquoi nous vivons, pourquoi nous souffrons. Ah, si l'on savait maintenant, si l'on savait, il viendra un jour où tout le monde saura pourquoi tout cela, pourquoi ces souffrances, et il n'y aura plus de mystère. » Voilà le souhait. Alors on est à la fois dans une projection vers l'avenir où tout sera mieux, l'optimisme sans doute un peu factice d'Irina, et en même temps, l'envie profonde, c'est de ne plus se poser ces questions du sens et de percer le mystère pour enfin pouvoir simplement contempler la neige et ne plus se tirailler l'esprit avec ces questions, et ne plus philosopher. Vous lisez si bien le texte que j'aurais aimé que vous lisiez tous les autres textes. Ah mais c'est gentil. Mais... Donc, je crois que ce qui est très intéressant chez Tchekhov, c'est que il est vraiment un auteur avec lequel le 19e siècle s'achève et commence le 20e. Il est un auteur qui est vraiment un auteur écartelé entre l'Occident et la Russie. Il éprouve l'attrait pour l'Occident, mais il ne veut pas contester la Russie. Et d'un côté, il est épris, je crois véritablement, par les discours sur la vie à venir. Il est séduit par ces discours. Mais de l'autre côté, il est suffisamment sceptique pour ne pas les prendre pour des vérités inévitables. Et que je crois que les mises en scène doivent choisir. Mmh. Certaines mises en scène récentes tournent en dérision ces discours sur l'avenir qui traversaient la Russie. Il faut bien dire que au début du XXe siècle, la Russie est vraiment agitée. Il y a les mouvements des étudiants, il y a les tentatives d'assassinat du tsar, il y a l'assassinat du tsar d'ailleurs, et que Tchekhov réunit ces deux discours, et qu'aujourd'hui mettre en scène Tchekhov à partir de l'échec du communisme auquel on assimile ces discours prophétiques, c'est un peu excessif. Je crois que en vous écoutant, je trouvais que c'était très beau le rêve d'Irina, mais qu'en même temps, quelques pages plus tard, on apprendra que le jardin est délabré, que l'orchestre passe, ne prend plus le chemin habituel. D'ailleurs, dans une très belle mise en scène de Stein, de Peter Stein, les trois sœurs, on voyait le délabrement du jardin et qu'il y a deux musiciens qui passent comme par une cour abandonnée, comme ça. Donc, d'un côté, l'avenir radieux, de l'autre côté, le présent misérable. Mais l'un implique l'autre. On regarde d'autant plus l'avenir qu'on ne peut pas voir ce qu'on a devant les yeux. C'est une manière de fuir le présent dans ce texte très fort. Tchekhov fait ça. Le présent n'existe pas dans les pièces de Tchekhov. C'est toujours ce moment d'incertitude où on est toujours projeté ailleurs. C'est toujours entre les deux. Tchekhov n'a pas fait l'économie de la vision de l'avenir. Et chez lui, elle n'est pas tournée en dérision, comme je vous disais, on le fait souvent ces derniers temps. Par contre, dans les mises en scène communistes, soviétiques des années 20, on faisait de Tchekhov le prophète de la nouvelle société, ce qui est annexé, mais inverse. Oui, parce que les personnages tels qu'il les dépeint sont au contraire dans une forme de médiocrité, mais au sens presque non péjoratif du terme. Ils sont ordinaires avec leurs faiblesses et leurs défauts, y compris dans les trois sœurs. Et Tchekhov se défendait lorsqu'on lui disait de ne donner vie dans la littérature qu'à des gens médiocres. Il disait, mais on me reproche de n'écrire que sur des événements médiocres, de ne pas avoir de héros positifs. Je voudrais seulement dire en toute honnêteté aux gens, regardez donc combien vous vivez mal et combien votre existence est ennuyeuse. Là, on a vraiment la note d'intention de Tchekhov vis-à-vis de tout son théâtre. Tchekhov a jeté sur la réalité un regard lucide, mais pas cynique. C'est ça. Il a de la tendresse pour ses personnages. Il a de la tendresse. Il ne les juge pas. Il leur donne une chance. Mais il fait constamment le constat de l'échec. Alors écoutons-le dans une de ses lettres adressées à Maria Vladimirovna qui s'éleva le 14 janvier 1887. Décrire le type de nature humaine qui l'intéresse et pourquoi il choisit de la dépeindre dans la fiction. La nature humaine est imparfaite. Il serait donc étrange de ne voir sur terre que des justes. Quant à penser que la littérature a pour devoir de dénicher le bon grain au milieu d'un tas de vauriens, c'est nier la littérature elle-même. Si la littérature est considérée comme un art, c'est parce qu'elle dépeint la vie telle qu'elle l'est effectivement. Sa finalité, c'est l'indéniable, l'intègre vérité. Le bon grain, je vous l'accorde, est un truc valable. Mais tout de même, l'homme de lettres n'est ni un confiseur ni un amuseur. C'est un homme de devoir, sous contrat avec sa conscience et le sens de ses obligations. Une fois le vin tiré, il ne doit pas refuser de le boire. Et quelle que soit l'horreur qu'il en ait, il est tenu de combattre sa répugnance, de souiller son imagination avec la boue de la vie. La répugnance dont parle Tchekhov ici, Georges Banus, c'est pas la répugnance à l'égard des défauts, l'imperfection humaine, c'est la répugnance à l'égard de décrire tout ce qu'il verrait. C'est contre ça que l'écrivain doit lutter. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de la correspondance de Tchekhov. Au fond, sa profession de foi, on la retrouve dans ses lettres. Et dans une des lettres qui a servi d'ailleurs de titre pour le film que j'ai fait avec Jacques Renard, consacré à Tchekhov, Tchekhov dit « Je ne veux pas juger, je ne veux pas accuser, je veux être le témoin impartial de ces êtres. » Donc, il veut adopter un regard clinique de médecin. Qu'il était. Et que, au fond, il fournit les preuves. Et c'est ensuite à chacun de réagir, d'évaluer. Mais c'est pas à lui de nous donner l'interprétation, comme dans une pièce de Ibsen ou d'autres pièce de son époque ou de Tolstoï. Il voulait être le témoin impartial, ne pas se situer du côté de l'un ou de l'autre. Sauf peut-être, ici, dans Les Trois Sœurs, il y a Natacha qui est la jeune fille qui manipule, qui manœuvre, qui manigance pour épouser le frère des Trois Sœurs. Elle y parvient, elle devient sa femme, elle le cocufie à tour de bras, si vous voulez. Et finalement, ce personnage est un personnage détestable par nous tous. Mais je me disais en venant ici qu'au fond, c'est la seule qui parvient à son rêve, à son projet. Son projet n'est pas utopique. Son projet n'est pas affectif, comme Virginie. Son projet, c'est de prendre en main cette maison. Et elle y arrive. Et il y a une très belle pièce de Max Frisch, Biedermann et les incendiaires, qui est extraordinaire, qui, sans connaître les Trois Sœurs, raconte la même histoire. Comment quelqu'un s'insinue dans une maison et pas à pas arrive à faire main basse sur l'ensemble de la maison. Elle ne rêve pas d'un paradis. Et Moscou. Elle a les pieds sur terre, en fait, ça que vous dites. Elle est très pragmatique. Mais elle est aussi une arriviste. Elle accepte le jugement un peu cruel des sœurs quant à ses toilettes, tout ça, pour finir à la fin par évacuer la nounou, qui était un personnage affectivement si important pour les Trois Sœurs. Et pour moi, je crois que les lectures des pièces de théâtre doivent être nourries de l'autobiographie de celui qui les lit. Et moi, je suis allé à Yalta, où Tchekhov a été obligé de se retirer à cause de sa tuberculose. Et dans la maison qu'il a construite, j'ai vu la maison pour la nounou. Donc, je me suis dit qu'au fond, Tchekhov, sans que nous, on s'en rende compte, a saisi la violence de Natacha justement par ce geste qui constitue l'expulsion de la nounou. Lui, à Yalta, dans sa propre maison, avait amené la nounou avec lui à Yalta, et à Yalta, il avait imaginé et construit une pièce pour... Donc, Natacha, c'est le mal et celui qui n'a, au fond, je crois, quand même aux yeux de Tchekhov et du spectateur, aucune chance. Et d'ailleurs, Stanislavski, disait Stanislavski, qui est le metteur en scène de Tchekhov, disait un soir, quand j'ai vu Natacha avec la bougie à la main au moment de l'incendie du troisième acte, j'ai eu l'impression que c'était Lady Macbeth. Vous m'écrivez qu'au troisième acte, Natacha, en faisant sa ronde dans la maison, éteint les lumières et cherche les voleurs sous les meubles. Mais il me semble qu'il serait mieux qu'elle traverse en ligne droite, sans regarder rien ni personne, à la façon de Macbeth avec une bougie à la main. Ainsi, c'est plus court et plus effrayant. C'est exactement ce que Stanislavski lui a confirmé après, que Natacha, c'était une Lady Macbeth, sauf que Lady Macbeth perd ses esprits, ce qui n'est pas le cas de Natacha, qui continue à vivre au chaud avec son amant président du conseil d'administration et dans l'intimité de son mari effondré. Jusqu'où tient le parallèle entre Tchekhov et Shakespeare? Parce que c'est vrai que les personnages shakespeariens sont peut-être plus délurés, les méchants sont encore plus méchants et puis il y a beaucoup plus de morts, mais au fond il y a peut-être la même question sous-jacente qu'est celle que pose Hamlet, hein, finalement, qui est le... le rapport premier à l'existence. C'est ça qu'incarnent les personnages de Tchekhov. Nous existons, pourquoi faire et au fond, pourquoi exister ? C'est être ou ne pas être, c'est la question qui est posée aussi par Tchekhov. C'est la question essentielle. Et d'ailleurs, il y a moi j'ai écrit aussi le rapprochement entre les trois sœurs, les trois parcs. Mais on peut faire les trois parcs qui sont les figures mythologiques du destin. Mais on peut faire un rapprochement plus près de nous, entre les trois sœurs de Tchekhov et les trois sœurs de Roi Lear. Les trois sœurs de Roi Lear. Les trois filles, en fait. Les trois. Du Roi Lear. Oui, mais sont sœurs. Elles sont sœurs, oui. Elles sont sœurs quand même. Et elles aussi sans mère. Le père est essentiel. La même destruction, comme vous dites, mais à une intensité tout à fait différente, les touche, les emporte, les entraîne vers la catastrophe finale. Par contre, moi, une observation je trouve que l'écriture de Tchekhov, la construction de Tchekhov est extrêmement subtile. Je me suis posé la question pourquoi la pièce s'appelle Trois sœurs. Et pas la famille Prozorov. Tchekhov avait écrit une pièce auparavant, Oncle Vania, avait un nom. Parce que ma théorie, c'est que Andrei n'est pas... Qui est le frère aîné. Le frère aîné, celui qui est pressenti pour un brillant avenir universitaire et qui échoue, n'est pas le frère des trois sœurs. Qu'il est une sorte de demi-frère. Parce que dans Tchekhov, comme dans un roman policier, on nous fournit des informations et le docteur, à la fin, casse, dans un moment d'alcoolisme avancé fréquent en Russie, casse la pendule de la mère et Irina lui pose la question « Vous avez aimé ma mère ?» Et il se tait, il ne nie pas. Et c'est pour ça que je me dis qu'au fond, André, et c'est ça qui est le génie de Tchekhov, André c'est un étranger, André c'est un demi-frère, il ne fait pas partie de la famille à 100%, mais il y a dans la pièce ce soupçon qui est comme une source cachée sous la terre. Comme un secret de famille aussi. Oui, oui exactement. Mmh. C'est aussi une pièce où il y a beaucoup d'amour. Peut-être plus que dans d'autres pièces de Tchekhov, il y a des déclarations d'amour, des velléités d'amour et des amours subis. À l'acte 4, si on fait un bond en avant car l'heure tourne, Georges Bagnu, il nous faut avancer dans la pièce. On est alors cette fois-ci 5 ans plus tard, le premier acte. Et écoutez une déclaration d'amour entre Tuzenbach et Irina. Peut-être présentez-nous Tuzenbach parce qu'on n'en a pas parlé. D'abord, il y a eu une relation d'amour absolument torride entre Vershinine, le colonel. Lieutenant-colonel. Le grand colonel qui a des perspectives d'avenir et la femme frustrée qui est Masha. Donc là, c'est vraiment l'amour intense, la relation érotique par le biais du chant, etc. De l'autre côté, il y a un baron. Le titre de baron était fréquent à l'époque. Un baron qui sert dans l'armée et qui est épris d'Irina et qui est en compétition avec un type qui est très bizarre. C'est un personnage qu'on a du mal à comprendre, qui est un peu un personnage démoniaque. Salioni. Qui renvoie à Lermontov. Et Tuzenbach, en quelque sorte, gagne la partie. Irina l'a choisi. Et Salioni l'agresse devant le théâtre et le provoque en duel. On n'en est pas encore là. Tuzenbach vient pour informer Irina et pour la rassurer. Et pour moi, c'est peut-être une des plus belles scènes d'amour de l'histoire du théâtre, parce que l'amour de Tuzenbach est un amour tellement discret, tellement pudique, et en même temps, la réserve et la stérilité d'Irina est d'une tristesse absolue. Parce que, s'il y avait eu des problèmes de traduction, André Markovitch a dû parler, Irina ne dit pas « je ne vous aime pas ». Irina dit « je n'ai pas d'amour ». Je n'ai jamais aimé de ma vie. Écoutons-la, Claude Mathieu dans le rôle d'Irina, Yves Gasque dans le rôle de Tusenbach. Que s'est-il passé près du théâtre ? Dans une heure, je serai de retour et je me retrouverai près de toi. Celle qu'on ne peut se lasser de regarder. 5 ans se sont écoulés depuis que j'ai commencé à t'aimer. Et je n'en ai pas pris l'habitude encore et tu me parais toujours plus belle. Quels doux, quels admirables cheveux. Quels yeux. Je t'emmènerai demain, nous allons travailler, nous deviendrons riches. Mes rêves se réaliseront, tu seras heureuse. Il n'y a qu'une chose, une seule. Tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas en mon pouvoir. Je serai ta femme fidèle et soumise. Mais il n'y a pas d'amour. Qu'y faire ? Je n'ai pas aimé une seule fois dans ma vie. J'ai tant rêvé de l'amour. J'en rêve depuis si longtemps, jour et nuit. Mais mon âme est comme un beau piano fermé dont la clé est perdue. Ton regard est inquiet. Je n'ai pas dormi de la nuit. Non, il n'y a rien dans ma vie, rien de terrible dont je puisse avoir peur. Il n'y a que cette clé perdue qui torture mon âme et ne me laisse pas dormir. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Que dire ? Que dire ? Il arrive parfois que des riens prennent tout à coup de l'importance dans la vie. On continue à en rire, ce sont toujours des futilités, et cependant, on va, on sent qu'on n'a plus la force de s'arrêter. Ah, n'en parlons plus, je suis gai. J'ai l'impression que ces sapins, ces trembles, ces bouleaux, je les vois pour la première fois de ma vie. Tout me regarde avec curiosité, tout semble attendre. Quels beaux arbres. Et en vérité, comme la vie auprès d'eux doit être belle. Comme la vie auprès d'eux doit être belle. Ici, le personnage de Tusenbach doit presque changer de sujet. En fait, Georges Banu, il fait une déclaration d'amour magnifique à Irina qui dit « Mais je n'ai jamais aimé. Mon cœur est comme un piano refermé dont on aurait perdu la clé. » Lui souffre d'entendre ça, mais ensuite il parle des arbres, il dit finalement que la vie est belle et que ces arbres sont beaux. C'est une manière d'esquiver ou de se consoler ? C'est une manière d'assumer cette défaite. Et dans l'extrait, il y a une phrase qui est coupée, qui est une phrase magnifique. Lui, il va vers le duel dont l'issue est presque sûre, parce que ce lion, c'est un maître d'armes. Lui, il dit « Préparez-moi un café ». Et donc, « Préparez-moi un café qu'il ne boira jamais ». Et moi, j'avais même une idée de mise en scène qu'un ami acceptait, disait « Ça serait pas mal qu'on voit Irina avec le café à la main ». Et Tusenbach ne vient jamais pour boire le café. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a d'un côté, à la fin de la pièce, c'est le génie de Tchekhov, presque shakespearien, de conjuguer le comique et le comique et le dramatique, pas le tragique. Il y a cette séparation du non-dit et du dit, et de l'autre côté, quelques scènes plus tard, on voit Kulégin, le professeur de latin, qui, comme Tchekhov aimait les personnages de cirque, vient avec une barbe postiche, il fait le clown en plein cœur, en plein milieu de la mélancolie, de la séparation, et comment ne pas penser au courage d'un auteur d'associer à quelques pages d'écart donc l'extraordinaire mélancolie de la scène de la séparation d'Irina et Tusenbach avec Kulégin qui vient faire le pitre mais qui sera lui confronté aussi à une autre douleur. Il assistera, parce que Tchekhov le dit, il est au loin et il assiste à la séparation déchirante de Masha de Verchinine. Masha se jette dans les bras de Verchinine. Elle ne peut plus l'abandonner. Et à un moment donné, Verchinine dit à Olga, amenez-la. Mais le pauvre Kouroguine, c'est quoi? Il a tout vu. Et comme dans un très bon roman réaliste, il accepte de sauver son mariage et de vivre avec cette défaite. Cette quatrième acte de Trois Sœurs, c'est vraiment un chef-d'œuvre dans la mesure où Tchekhov joue sur tous les registres. Et surtout la fin. Et surtout la fin, qui est peut-être le final le plus extraordinaire des pièces de Tchekhov, où sur fond de désespoir, on conserve un brin d'espoir. On l'écoute. Le baron vient d'être tué en duel. Je le savais. Je le savais. Oh, je suis épuisé. Laissez-la pleurer. Tararaboum-tillé, tararaboum-tillé. Et après, ça n'a pas d'importance. Oh, cette musique! Il nous quitte. L'un d'eux s'en est allé tout à fait. Pour toujours. Et nous restons seuls pour recommencer notre vie. Il faut vivre. Il faut vivre. Un jour viendra où l'on saura pourquoi tout cela. Pourquoi ces souffrances? Il n'y aura plus de mystère. En attendant, il faut vivre. Il faut travailler. Seulement travailler. Demain, je partirai seule. J'enseignerai à l'école. Et ma vie, je la donnerai à ceux qui en auront peut-être besoin. Nous sommes en automne. Bientôt, ce sera l'hiver. La neige couvrira tout. Mais je travaillerai. Je travaillerai. La musique joue si gaiement, avec tellement d'entrain. Et comme on a envie de vivre. Oh mon Dieu, le temps passera. Et nous aussi, nous nous en irons pour l'éternité. Et on nous oubliera. On oubliera nos visages, nos voix et combien nous étions. Mais nos souffrances se transformeront en joie pour ceux qui viendront après nous. Le bonheur et la paix descendront sur la terre. Et on se souviendra de ceux qui vivent aujourd'hui. On aura une bonne parole pour eux. On les bénira. Mes sœurs, mes chères sœurs, notre vie n'est pas encore finie. Nous allons vivre. Si l'on pouvait savoir, si l'on pouvait savoir, termine-t-elle Georges Bagnu. On se termine avec cette... Encore on revient à ce regret de ne pas tout savoir, de ne pas avoir le fin. Mais il faut vivre, c'est bouleversant, il faut vivre. D'où vient cette injonction? En plus, on ne sait pas, c'est assez de Beckettien d'ailleurs. C'est l'idée justement de survivre malgré tout. C'est vivre et non pas survivre d'ailleurs, ce qu'il dit. Hein. Oui, mais vivre dans les conditions où elles sont, c'est plutôt une survie. Et ce qui est aussi très, très émouvant dans ce final, c'est que d'un côté, elle reste unie. Elle reste unie et elle s'apprête à aider Masha à surmonter cette crise érotique qu'elle traverse, à aider Irina. Donc finalement, je crois que le sens profond, c'est que on peut vivre si on reste ensemble. Donc elle se propose de vieillir ensemble, de faire front contre la vie, tandis que, chose typique chez Tchekhov, Tchebutykin, le médecin, considère que sa chance, c'est de partir errer en Russie, sans but, sans perspective, et ainsi se sauver. Donc, il n'y a pas ni d'un côté ni de l'autre une perspective aussi radieuse que Verschinin l'annonçait. Il y a seulement cet appel à la résistance. Et je me dis qu'au fond, eux, ils sont ici, mais les militaires qui se trouvent quelque part en Pologne vont rêver de la ville de province où ils ont habité, comme les sœurs avaient rêvé de Moscou. C'est toujours mieux ailleurs. Voilà. Sauf ici. Merci Georges Bannu. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Tchekhov aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage sur le théâtre de Tchekhov qu'on trouve aux éditions Idée-Calande. Что ж ты смотришь совой, дышишь, словно рухнул с дуба? Посмотри на себя, хвост торчком, глаза востры. Это все пустяки, в жизни все легко и любо. Пока вдруг у тебя на пути не возникнут три сестры. У них кудри, как шелк, а глаза, как чайное блюдце. У них семь тысяч лет без пардонов, без мерси. У них сердце внутри, они плачут и смеются. Посмотри в зрачки и скажи прощай, прости. Три сестры, черно-бело-рыжей масти. В том далеком краю, где не ходят поезда. Три сестры, разорвут тебя на части. Сердце вверх, ноги вниз, остальное что куда. А в саду благодать пахнет медом и сиренью. Навсегда, навсегда, навсегда я шепчу: приди, приди. Кто зажег в тебе свет, обернется твоей тенью. И в ночной тишине вырвет сердце из груди. Три сестры, три сестры. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je vous propose de réécouter quatre moments clés de l'année 2019 vus par la philosophie. Aujourd'hui, vous avez choisi de rendre hommage à Michel Serres. Samedi, le 1er juin, on apprenait la disparition à 88 ans de Michel Serres. Depuis, les hommages pleuvent. 1m80, œil malicieux, un nom qui évoque la montagne, accent gascon, humaniste, académicien, espiègle, ouvert à tous, érudit, voyageur, penseur des sciences, de la nature, de la violence et des nouvelles technologies, lecteur de Leibniz et de Jules Verne, auteur insatiable et infatigable de plus de 70 ouvrages, tintinophile, enfant de la guerre qui avait foi en l'avenir, tout ou presque a été dit du philosophe. On l'a décrit, on a rappelé son parcours, son caractère et ses thèses, on l'a cité. Mais l'avantage de la radio, c'est qu'on peut l'entendre et l'écouter, lui, sans images et sans guillemets. Voici donc 3 minutes et plus de Michel Serres. Nous ne pouvons plus survivre aujourd'hui en Occident avec cette idée qu'il s'est passé chez nous un tel phénomène que j'appelle dominescence et qui ne concerne que un département très étroit de la planète, c'est-à-dire l'Occident, et un pourcentage de population extrêmement petit, c'est-à-dire seulement les Occidentaux. Il y a des milliards d'hommes qui n'ont pas encore participé à ce mouvement, et cette sorte d'inégalité ou de différence est telle aujourd'hui que peut-être nous le paierons très cher. Et Lorsque je suis rentré à l'Académie, j'ai succédé à Edgar Faure et je n'ai retenu de toute son œuvre qu'une phrase. Et la phrase est la suivante, elle est assez profonde, il le disait à propos de la guerre d'Algérie. Il disait « Quel que soit le prix que l'on puisse mettre au fait d'éviter un conflit, ce prix-là, aussi grand qu'il soit, est toujours plus petit que le prix du conflit lui-même. » Par conséquent, je crois qu'aujourd'hui, il faut que l'Occident soit prêt à payer un prix considérable pour arrêter cette injustice, cette inégalité, cette fracture entre les deux mondes. Il n'y a pas de doute. Et quelle que soit la grandeur du prix, il sera toujours moins cher que le prix que nous coûterait un conflit entre les deux mondes. Et c'est ça qui est, je crois, au fond, non seulement de l'histoire présente, mais de l'histoire à venir. Je ne suis ni pour la panique qui est trop générale dans les médias aujourd'hui, je ne suis pas non plus pessimiste, mais je pratique plutôt un pessimisme de construction. C'est-à-dire, je crois que le devoir de la philosophie, c'est d'être, ou du philosophe, c'est d'être parfaitement lucide sur ce qui se passe, donc essayer de voir le plus clairement du monde, de l'état des choses, et d'autre part, d'inventer suffisamment de concepts ou d'inventer de réalités nouvelles pour donner à nos petits-enfants des matériaux de construction de leur maison. Ce n'est pas à nous à construire leur maison, puisque c'est eux qui la construiront eux-mêmes, mais c'est à nous quand même à leur donner les matériaux pour le faire. J'en suis au moment maintenant où j'ai les résultats dans mes livres du travail préalable que j'ai fait, théorique un peu lourd et assez long. C'est-à-dire que je commence maintenant à voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Je peux entrer, si vous voulez, dans des résultats un peu plus concrets, un peu plus applicables. Nous ne sommes pas les maîtres des diffusions de nos idées. On ne sait jamais pourquoi les idées se diffusent, pourquoi elles se propagent, pourquoi elles se vulgarisent, pourquoi elles passent dans le public. Nous avons beaucoup de moyens de le faire, mais il arrive parfois que des idées se propagent tout d'un coup comme un feu de paille, d'autres au contraire qui restent longtemps sous le boisseau, voyez. Et ça, on n'en est pas complètement responsable. Je souhaite en effet que ces questions... par exemple, j'ai beaucoup milité pour l'enseignement à distance, pour l'enseignement par les nouvelles technologies, ça n'a pas abouti, mais peu à peu on s'aperçoit que l'idée elle-même fait son chemin. Et que dans les pays sous-développés, les pays du tiers-monde par exemple, aujourd'hui ils nous appellent vite pour qu'on organise ce genre de choses. Finalement, que ce soit moi ou un autre, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'essentiel, c'est que les idées passent. On a beaucoup insisté sur l'optimisme de Michel Serres. En 88, comme on l'a entendu, c'était dans À voix de nuit, il parlait plutôt d'un pessimisme de construction. Peut-être ne serait-il plus vraiment d'accord avec cette expression 30 ans après. Peut-être aurait-il préféré parler d'optimisme ou alors d'un optimisme de déconstruction. Quoi qu'il en soit, si je devais ajouter une chose à tout ce qui a été dit sur Michel Serres, c'est cela, c'est qu'il était un des rares philosophes à parler d'aujourd'hui avec lucidité et distance, mais sans inquiétude ni angoisse et sans sous-entendre que c'était mieux avant. Or, on a souvent tendance à penser qu'il n'y a qu'une alternative, critiquer le présent en souvenir d'un âge d'or ou accepter le présent et dire oui à tout naïvement. Avec Michel Serres, on aura compris qu'il y avait une troisième voie, une autre possibilité. Essayons de la pratiquer plus souvent. Merci Géraldine d'avoir rendu hommage à Michel Serres. Et puis on se souvient avec émotion de son passage au chemin de la philosophie. C'était en octobre dernier, septembre dernier d'ailleurs, je crois. Et on peut réécouter l'émission, elle est mise en avant sur le site de France Culture, Profession philosophe avec Michel Serres. Merci à Mathieu Tarpin qui m'a aidé à préparer cette émission, avec Colomba Grossi, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Cédric Châtelut qui est à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série sur 4 pièces de théâtre de Tchekhov. Demain, je recevrai à nouveau André Markovitch et Françoise Morvan, traducteurs de Tchekhov. Ils viendront vous parler de la dernière pièce de Tchekhov, La Cerisette. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter à l'heure et dans le lieu de votre choix. Rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. Rendez-vous demain à 10h donc. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.